La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona. Il n'y a pas eu de bombe le lendemain, ni le jour d'après, ni les jours suivants. L'inquiétude des collègues est peu à peu retombée. Ce n'est bientôt plus un sujet de conversation. C'est à peine un souvenir. Le magasin a repris son rythme de croisière. Il vogue au large des contingences explosives. Les mannes jouent les quartiers maîtres avec plus de zèle que jamais. Les petits vieux de Théo se prennent pour des bâtisseurs d'empire. Théo lui-même enrichit chaque jour l'album du petit. Les flics continuent de fouiller employés et clients qui y lèvent les bras en rigolant. Sinclair a perdu 800 collaborateurs pour retrouver 800 employés. Le chiffre répercute les mots d'ordre CGT, les mannes les mots d'ordre maison. Je me fais convenablement engueuler. Paumé dans mon imagination qui se vide, Jib la hyène et Pat les pattes commencent à tirer la langue. Les enfants me menacent de me remplacer par la télé si je flanche. Luna ne me téléphone plus. Tout est rentré dans l'ordre. Jusqu'au 2 février. La fille est très belle, dans le genre léonin. Une chevelure rousse tombe en vagues épaisses sur ses larges épaules qu'on devine musclées. Elle a des hanches italiennes qui se balancent paisiblement. Elle n'est plus si jeune. Elle est dans l'âge des plénitudes sympathiques. Le haut de sa jupe, plaqué sur ses fesses, révèle la trace d'un slip minimaliste. Comme je n'ai rien d'autre à faire qu'à attendre un appel de Miss Hamilton, je décide de suivre ma belle apparition. Elle trifouille par-ci, par-là, dans les étalages. Ses bras demi-nus sont cerclés d'une argenterie moyennement orientale. Elle a de longs doigts nerveux, bruns et souples, qui ne saisissent qu'en s'enroulant. Je la suis avec l'aisance du poisson que je suis devenue dans l'eau trouble de ce magasin. Je joue à la perdre pour me donner le plaisir de la retrouver au croisement de deux allées. Lors de ces rencontres faussement inopinées, je laisse l'adrénaline dresser tous mes petits cheveux intérieurs. Une chose me tracasse, je n'arrive pas à débusquer son regard. Sa crinière est trop fournie et trop mouvante. Quant à elle, il va sans dire qu'elle ne me remarque pas. Transparence de mon costume de fonction. Le petit jeu dure un certain temps et j'atteins un état de désir absolu quand la chose se produit. Elle flânait depuis 5 bonnes minutes devant le rayon des Shetland. Tout à coup, ses doigts jaillissent, s'enroulent. Un petit pull est entièrement aspiré dans le creux de sa main, puis sa main avalée par son sac, lequel déglutit et recrache une main vide. Je l'ai vu. Mais de l'autre côté du comptoir, Cazeneuve, le flic approprié, l'a vu aussi. Heureusement, je suis plus près d'elle que lui. Pendant qu'il sort ses crocs en faisant le tour du rayon, je franchis, moi, les 2 pas qui me séparent de ma belle voleuse. Je plonge ma main dans le sac en la forçant à se retourner vers moi, et je retire le pull que je plaque sur ses épaules comme si je le lui essayais. En même temps, je murmure entre mes dents avec un air réfléchi. « Ne faites pas la conne, le mouchard de service est juste derrière vous. » Non seulement elle a le réflexe de ne pas protester, mais elle s'exclame d'une belle voix rauque. « Il me va bien, non? Qu'est-ce que tu en penses ?» Pris de court, je réponds n'importe quoi. « Très bien avec tes yeux, tante Julia, mais pas avec tes cheveux. » En fait, je ne vois que ses yeux. 2 amandes pailletées d'or, bordées de cils qui me chatouillent presque le nez. Derrière ces merveilles, 2 autres yeux me fusillent. Ce sont les sabords de Cazeneuve. Je jette négligemment le pull sur le comptoir, en choisis un autre que je tends devant la fille en reculant la tête avec un air connaisseur. Revenu à lui, Cazeneuve intervient. Il n'y va pas par 4 chemins. « Arrête ton cirque, Malocène. J'ai très bien vu cette fille faucher le premier pull. »« Cette fille ? C'est une façon de parler à la clientèle, Cazeneuve ? Un bon garçon comme toi ?» Je dis cela sur le ton rêveur de quelqu'un qui pense à autre chose. C'est que le second pull... C'est décidé, je m'établis dans les fringues. Si à ravir à ma gentille lionne. Et je dis. Celui-là te va très bien, tante Julia. Je ne suis pas le seul à admirer tante Julia. Un certain nombre de clients retiennent leur souffle, dont un vieux couple à l'air attendri et aux cheveux blanchissimes, porteur d'un cabas vert et qui nous mange littéralement des yeux. Malocène, s'il te plaît, ne m'empêche pas de faire mon travail. C'est Cazeneuve qui grince. Pendant ce temps, non loin de là, un des petits vieux de Théo fauche un vibromasseur. Je ne t'empêche pas de faire ton boulot, Cazeneuve. Je t'empêche d'y prendre trop de plaisir. Mademoiselle, vous avez mis ce Shetland dans votre sac, je vous ai vu. La fille s'accroche à mon regard comme à une bouée de sauvetage. Visage large, pommettes saillantes, lèvres humides. Est-ce que je te demande où tu vas te faire bronzer, Cazeneuve ? Là, j'ai tapé dans le mille. Sa jolie gueule de terre cuite, Cazeneuve se la fait reluire gratis, tous les jours, au rayon maison des lampes solaires. J'ajoute. Fiche la paix à tante Julia, ou tu vas recevoir une baffe. C'est alors que la chose se produit, comme au ralenti, dans le magasin qui se serait immobilisé tout entier. Cazeneuve blêmit. Juste derrière lui, les deux gracieux petits vieux se tournent l'un vers l'autre en souriant. Et voilà qu'ils se roulent la galoche de leur centenaire. Un baiser d'une sensualité incroyablement contagieuse. Entre leurs deux ventres soudés, je distingue le coin d'un cabas vert. Vert pomme. Et Cazeneuve reçoit la baffe promise. Seulement, ce n'est pas moi qui la lui donne. C'est le bras arraché de la vieille dame. Je suis des yeux la courbe parfaitement dessinée par le geyser de sang qui s'en échappe. Je vois le visage de l'homme, très nettement, un regard d'incrédulité sous une frange de cheveux blancs, fins comme des cheveux de bébé, et taillés à la romaine. Je vois la tête de Cazeneuve. Sa joue, sous d'un flasque, répercute l'onde de choc à tout le reste du visage. Et c'est alors seulement que j'entends l'explosion. Un mur de briques volatilisé dans ma tête. Projeté en avant, Cazeneuve nous envoie au tapis, tante Julia et moi. L'intérêt de se trouver sur le lieu même d'une explosion, c'est que personne ne vous y piétine. Tout le monde fuit l'épicentre. Le poids de la fille couchée sur moi me colle au sol. On dirait qu'elle me protège de mitrailleuses ennemies. Mais, y regarder de plus près, elle est évanouie, tout simplement. Je la dépose doucement sur le côté en maintenant sa tête dans le creux de ma main et je rabats sa robe sur ses jambes découvertes. Cazeneuve me fait face, assis, extatique, comme un bambin devant son premier pâté de sable. Il est couvert de sang et quelque chose en lui se demande sans bouger si c'est le sien ou celui de quelqu'un d'autre. C'est la première fois que je le vois penser. Quelques mètres derrière Cazeneuve, deux corps à la fois enchevêtrés et dispersés gisent dans une épouvantable bouillasse sanglante. Je me lève péniblement. Autour de moi, c'est une panique de vivier au moment de la pêche. Tous les poissons veulent sauter hors de l'eau. Ils bondissent, retombent, se heurtent, changent soudain de direction comme s'ils voulaient échapper à une invisible épuisette. Le plus hallucinant est que tout cela se déroule dans un silence de fond des mers. Des étalages entiers s'effondrent, des mannequins de présentation explosent sous les pieds des fuyards. Et cela sans un bruit. Je suis tout au fond d'un gigantesque aquarium en folie. Tante Julia se réveille à son tour. Je vois ses lèvres remuer, mais je n'entends rien. Sourd. L'explosion m'a rendu sourd. Instinctivement, je porte mes doigts à mes oreilles. Pas de sang. Ça me rassure un peu. Je m'accroupis devant Tante Julia et prends son visage dans mes mains. « Rien de cassé ?» J'entends ma voix comme si je me téléphonais à moi-même. La fille répond quelque chose, puis fait mine de se retourner, mais je l'en empêche. Pourtant, cet entrelac sanglant ne me soulève pas le cœur, pas cette fois-ci. Il faut croire qu'on s'habitue à tout. Les deux corps donnent l'impression d'avoir échangé leurs viscères, dans une sorte de communion ultime. Ils ont fusionné. Plus aucune trace du petit cabas vert pomme. Leurs deux ventres se couvaient et l'éclosion a eu lieu. Deux types en blanc emmènent Cazeneuve complètement sonnée. On me tape sur l'épaule. Je me retourne. Preuve que l'histoire se répète toujours dans le pire, le petit pompier de la dernière fois commence à m'expliquer le coup. Cette de limace rose gigote sous sa fine moustache. Mais, joie, je ne l'entends pas. Je suis restée 4 longues heures à l'hôpital. Ils m'ont inspectée sous toutes les coutures. Pas de casse. J'ai éprouvé un plaisir tout enfantin à me laisser manipuler. Comme lorsque j'étais môme et que ma mère ou Yasmina, la femme du vieil amarre, me donnait mon bain. Ma surdité ajoute à l'agrément de la chose. J'ai toujours pensé que je ferais un bon sourd et un mauvais aveugle. Retirez-moi le monde des oreilles, je l'aime. Bouchez-moi les yeux, je meurs. Les meilleures choses ayant une fin, le monde finit par se frayer à nouveau un chemin jusqu'à mes tympans. J'entends les conversations des infirmières et des toubibs autour de moi. D'abord, je n'y comprends rien, comme s'ils parlaient dans un compartiment voisin du mien. Puis, ça se précise. Il s'agit tout simplement de me garder en observation une petite semaine. Il se pourrait qu'il y ait des complications côté cervelle. Une semaine d'hosto ? Je vois d'ici la tête des mômes et de Julius. Pas question ! Une longue blouse blanche au visage chevalin se penche sur moi. Vous avez dit quelque chose ? Oui, j'ai dit non. Je ne veux pas rester ici, je me sens très bien, pas de problème. Je vais rentrer chez moi. La blouse blanche en réfère à une blouse encore plus blanche, tendue par un ventre rond. Nous ne pouvons pas vous laisser partir, mon vieux. Pas avant d'avoir pris toutes les radios nécessaires. Je suis encore allongée sur la table d'auscultation. L'énorme ventre parle juste devant mon nez. Tous ces bides piégés. Et s'il allait me sauter à la figure, lui aussi ? Je dis, vous ne pouvez pas non plus me retenir malgré moi. Dehors, il fait nuit depuis longtemps. Tandis que je marche vers le métro, une bagnole se coule le long du trottoir jusqu'à mon niveau et me klaxonne. Un klaxon des années 50. De ceux qui font « tut !» Je me retourne. Tante Julia, à l'intérieur d'une 4 chevaux jaune citron, me fait de grands gestes d'invite. « Vous êtes à pied ? Montez, je vous embarque !» Je monte dans la relique de Tante Julia. « Ils vous ont fait signer une décharge ? À moi aussi. Ils se mettent à l'abri, c'est normal. » Elle conduit sa 4 chevaux comme un paquebot, sans à-coups. Une sorte de prouesse quand on connaît l'engin. Nous voguons vers le Père Lachaise. Tante Julia parle. Elle parle et moi je revois le cabas vert pomme et les ventres qui se referment. Puis le regard terrorisé de Cazeneuve. Cazeneuve n'a rien, j'en mettrai mon propre bras à couper. Il est commotionné, c'est tout. La charge a explosé dans le nid hermétique formé par les deux ventres, comme à l'intérieur d'un œuf mou. Ils bandaient comme des anges. Des anges qui bandent? Quels anges? Qui bandent? Tante Julia me regarde avec des yeux voilés d'une indicible nostalgie. Elle dit « Les sandinistes. Ils bandaient comme des anges, indéfiniment. Ils baisaient en riant. Et quand ils jouissaient, c'était à longs traits brûlants, jusqu'à extinction totale de mon incendie. J'ai prouvé ça une seule fois, à Cuba, juste au lendemain de la Révolution. J'avais 14 ans. C'était 2 jours avant que mon consul de père se fasse virer. J'y suis retournée depuis, mais c'était fini. Déjà l'érection réaliste-socialiste, le coït stakhanoviste. Elle se tait un moment, le temps que je reprenne mon souffle. C'est la bombe qui l'a mise dans un état pareil? Un feu rouge passe au vert. Tante Julia repart en même temps que sa bagnole. Maintenant, le Nicaragua aussi est foutu. Le plaisir constructif. Son visage tordu par une expression de dégoût se détend brusquement et sa belle voix rauque replonge dans d'heureuses certitudes. Heureusement, il restera toujours les Moïses, les Maoris, les Satarés. Je dis, les Satarés? Les Satarés de l'Amazonie brésilienne? Elle développe. Ils ont des muscles longs, nets, bien dessinés. Leurs épaules et leurs hanches ne fondent pas dans tes doigts. Leur queue a une douceur satinée que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs. Et quand ils t'enfourchent, ils s'éclairent de l'intérieur, comme des galets 1900 superbement cuivrés. Et ainsi, tandis que le Paris hivernal et nocturne défile au flanc de notre pirogue, Tante Julia développe le corps somptueux de sa théorie. Selon elle, il n'y a que les révolutionnaires au lendemain de la victoire et les grands primitifs pour baiser correctement. Les uns et les autres ont l'éternité dans la tête. Ils baisent au présent d'indicatif, comme si ça devait durer toujours. Partout ailleurs dans le monde, on se trombine au passé ou au futur, on commémore ou on érige, on se perpétue ou on se multiplie, mais personne ne s'occupe de soi. Sa voix est devenue extraordinairement convaincante. Je veux dire, s'occuper de soi, là, de l'un et de l'autre, dans l'instant, de toi et de moi. Plein phare sur Tante Julia, je ne la lâche plus des yeux une seconde. Ses contours sont irisés par les lumières de la ville. Et puis, soudain, elle m'apparaît tout entière dans l'éclaboussement d'une vitrine de luminaire. Mamma mia! La lecture du soir sur la radio des bons coins. Pour s'endormir, tout en écoutant. La lecture du soir, avec Mona et Louison. Toute l'équipe de la Radio des Boncons vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de ces programmes.